Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Ceci est l'épisode numéro 5. Hey, wow, un chiffre rond. Fais-tu un chiffre rond, 5, je suis pas sûr. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur et pour se joindre à moi encore cette semaine, nul autre que Renaud Mini-Wheats Giraldo. Salut Renaud, comment ça va? Oui, Mini-Wheats. Un côté vibré, un côté. Ouais. Ça, je disais tantôt. Moi, en fait, petite histoire, Renaud, on y va, on se gêne pas parce qu'aujourd'hui, on se donne le droit. Hey, c'est Noël. C'est Noël. Non, c'est l'épisode de Noël, mesdames et messieurs. Ouais, on fait ça tout de suite. On fait un cheers, hein, Renaud? Santé. Bien, on se voit la branche dedans. Ouais, c'est très beau, terroir ça. Aujourd'hui. Très terroir. Ouais. Moi, non, je bois une bière commerciale. Ben, semi, disons, Unibrew. C'est de l'eau bouillie avec des épines d'épinette. OK. Qu'on ajoute du sucre et de la levure, ça crée une fermentation. Alors, je ne sais pas combien d'alcool qu'il y a dedans, mais... On va le savoir à la fin de l'épisode. La réaction chimique du sucre et levure crée du CO2 et de l'alcool. Oui. Ça pétille et c'est maison. C'est fantastique. Je trouve ça fantastique. Mais ça, j'allais dire, Renaud... C'est ça que ça fait quand vous habitez d'une ville, il n'y a pas d'FNM. On va faire de la bière à l'épinette. Ah, il n'y a pas d'FNM, c'est ça, c'est bad pour toi, mon gars. C'est pas cool. Mais OK, j'arrive à ce que je voulais dire, Renaud. On s'est connus dans un autre contexte que Magic. En fait, Renaud et moi, on allait à l'école, à l'université en même temps, et c'était en 2012. Et on était tous deux dans la faculté d'éducation. Puis j'ai appris à connaître Renaud parce qu'il était le président de l'association étudiante en éducation. Et pour ceux qui le savent, l'année 2012 était une année de grande revendication étudiante. Fait qu'on s'est retrouvés dans la rue ensemble, puis dans des assemblées générales rien qu'en masse. Puis on jasait, puis moi, je t'appréciais comme individu. Puis un de ces beaux jours... Je trouvais que t'étais un bon Jack, t'sais. Mais tu étais un peu inaccessible, t'étais comme une inaccessible étoile parce que tu veux pas, t'étais comme en demande puis t'avais pas beaucoup de temps pour fraterniser avec tous et chacun. Mais tout ça pour dire que on se croisait, on se connaissait, puis en tout cas je t'appréciais. Et après ça, je pense que c'est au pre-release de Return to Ravnica. Ça se peut-tu? Ça fait-tu du sens dans le temps, ça? Ah, je suis plus sûr. Mais en tout cas, ouais, ça aurait de l'allure peut-être. Je t'ai croisé dans un magasin près de chez nous. Le Griffon, pour ne pas le nommer. Le Griffon, pour ne pas le nommer. Oui. Exactement. Je pense que tu as un t-shirt d'eux autres de toute façon. Bon, ça. C'est ça. donc, au Griffon, puis là, j'ai fait, ben voyons donc, tu joues à Magic. Et pourquoi je parle de ça? C'est que deux affaires. pour une affaire. C'est une des choses qui m'a permis de ouais. Prendre un break, comme certains soirs, des vendredis soirs, quand il n'y avait pas d'activité pendant la grève, je me retrouvais avec le monde de Magic, puis ça me permettait de décrocher. Puis ma femme était en stage à l'extérieur de la ville, donc j'étais pas mal tout seul. Okay. Quand je me ramassais à devoir décrocher de ce brouhaha-là. Ah ouais, parce que c'était intense. C'était un bon refuge. Oui, hein? Puis d'ailleurs, c'est ça, pourquoi je parle de ça, c'est, première affaire, tantôt je disais Renaud Mini-Wheats, c'est un peu pour ça, c'est que je t'ai connu sous deux côtés, puis aussi le côté funny que je te découvre à Magic avec tes posts de dinde qu'on n'a pas fait, mais qu'on fera tantôt sur la page de Balado. En fait, Renaud avait une très bonne idée pour vous, mesdames, messieurs, c'était de voir parmi les cartes où est-ce qu'il y a des oiseaux, à Magic, laquelle ferait la meilleure dinde de Noël. Je crois que c'est une très bonne idée. Puis on mettra ça sur le site. La meilleure volaille de Noël, parce que tout le monde sait que c'est une tradition de manger de l'oie ou du canard aussi dans les fêtes. Là. Donc, j'aime ta rigueur. Goût, hein, un petit aguriole grillé. Mais donc c'est ça, fait qu'on fera pour les auditeurs, là, on va faire un petit quiz sur notre page. Quelle volaille de Noël, quelle carte de Magic ferait la meilleure volaille de Noël? Bref, c'est ton petit côté sucré, fait que c'est pour ça, Mini-Wheat cette semaine, c'est pas cute. Mais aussi, pourquoi on parle de ça, c'est que là, tu parlais justement Magic, pour toi, ça a été un refuge pendant la grève. Pour moi, Magic, c'est beaucoup quelque chose de social avant d'être compétitif. J'en avais parlé au premier épisode. Pas que je voudrais pas jouer compétitivement, mais c'est plus la place qu'il y a en ce moment dans ma vie. Moi, je suis encore étudiant, j'ai un enfant, une famille, tout ça. Fait que Magic, ça représente plus le côté je me retrouve à rejouer avec des gars avec qui je jouais à Magic quand j'étais au secondaire, puis j'ai 32 ans, fait que tu sais, jouer au secondaire avec eux à Magic, puis on se voit encore le vendredi soir pour jouer à ce jeu-là. Fait que c'est comme Magic pour moi, c'est une espèce de, c'est ça, de moment que je prends avec des amis, puis c'est ça le sujet de notre épisode cette semaine, mesdames, messieurs. On a décidé, vu que c'était le temps des fêtes, puis que c'est notre épisode de Noël, mais de faire un épisode spécial casualité. Donc, on va jaser de Magic un peu plus sur le à propos du volet. Ouais, là, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais? Oh, oh. Tu entends? T'es-tu sérieux? C'est sur l'air de sensualité. Donc, ah ouais, qui fait que t'as chante pis tout, là? J'aimerais la dédier en même temps à Philippe Haas du karaoké, Pasteline. Ah ouais? Que d'ailleurs, ce soir, il y a dimanche à 20h, il y a une heure à peine, gagné le Preliminary Proto Qualifier de la Prairie. Donc, ouais. Maintenant pouvoir se tourner les pouces pendant que les autres essayent de se qualifier pour. Ben ouais, chapeau. Il va pouvoir travailler au Gryphonne, en fait. Ouais, c'est ça. Comme il va souvent au karaoké, moi j'aime bien chanter des petites chansons, puis je traduis en même temps certaines chansons. Mais là, c'était déjà en français, mais je change les paroles, des choses comme ça. Ça va comme tu dis. J'aime tes jeux, j'aime Commander, tous des decks. Qui coûte pas cher, lentement dans la cuisine, casualité. Ça faudrait rajouter le titre dans l'arrière. C'est malade! J'adore ça. Ouais. Il va falloir qu'on fasse ça. On va faire un karaoké, là, puis on va me faire. Mais tout le monde sait que dans une autre vie, Guillaume Poulin chante dans les églises. Oui! C'est vrai. Je fais ça samedi d'ailleurs. Oui, je fais ça samedi, mais je refais ça cette semaine. Le temps de Noël pour les chanteurs, c'est payant quand même. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est l'heure des confidences. Non, c'est juste un constat, j'en ai pas un autre, là. Mais OK, ben, en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. La première, je voulais dire, justement, félicitations à Phil. Là, toi, tu as chanté une chanson sexy, c'est génial. Puis, l'autre affaire, c'est que si, bon, là, vous arrivez, c'est la première fois que vous écoutez Magic 101, si vous voulez apprendre à connaître Phil Astley, on l'a eu à l'épisode numéro 3, donc vous pouvez aller voir sur notre site. baladomagic101.wordpress.com, vous allez pouvoir rencontrer notre ami Phil Asselin, qui d'ailleurs, on est très, très content pour lui. Aussi, peut-être une salutation spéciale à Raphaël Boisvert de Sherbrooke aussi, qui avait fait la finale hier. Donc, c'est des belles performances des gens de Sherbrooke. C'est le fun pour les joueurs de la région de savoir qu'il y a des joueurs quand même. Phil avait fait top 8 hier. Il y a aussi Nicolas Bélin qui a fait top 8 aujourd'hui. Aussi. Il y a eu deux personnes dans les deux top 8 hier et aujourd'hui, deux joueurs de Sherbrooke. Ouais, c'est cool ça. Très bien. Donc, comme la chanson de Renaud l'a si bien introduit, cette semaine, on prend ça relax et on parle casual, on boit de la bière et on dit des affaires qu'on aimerait peut-être que ce ne soit pas enregistré. Bon, comme je t'ai dit tantôt, moi, j'ai commencé avec une espèce de petite histoire là, un peu de AA, de Magic, au sens où j'ai joué pendant longtemps pendant que j'étais jeune, puis c'est quand Innistrad est ressorti, des bons vieux amis du secondaire, on s'est mis à racheter des paquets, puis on se voit le vendredi, on draft ou on sealed, et à mesure qu'on ramasse des cartes, on se monte des decks à peu près standard qui se feraient manger au FNM, non peut-être pas, là, parce que tu sais, on est comme on a quand même la fibre compétitive, puis on regarde un peu les tendances, on regarde beaucoup le coverage, fait que on n'est pas non plus dans le champ gauche, mais on aime ça que Magic, ça reste comme tranquille, pas trop compétitif, mais on veut pas trop s'auto-détruire l'un l'autre. Toi, Renaud, je te connais plus pour ton aspect compétitif, puis le fait que c'est ça, tu cours les PTQ, tu es allé dans les Grands Prix, tout ça, as-tu aussi un aspect de ton jeu qui est plus casuel, que tu prends comme moins, disons, au sérieux? C'est quel aspect de ton jeu qui touche plus ce côté-là de Magic, toi? J'ai commencé à jouer au secondaire dans un temps où est-ce que Internet commençait à devenir une référence, mais qui n'était pas vraiment encore une référence. C'était le Scry, encore, c'était dans le temps de Odyssey, ouais. Outlaw, dans ce moment-là. Puis, les gens, moi, j'allais jouer, arrivaient avec des decks qu'ils avaient construits d'eux-mêmes. Ils ne prenaient pas des affaires sur Internet, puis c'était assez ouvert. Là. Fait que, ça, en général, je me ramasserais pas à être dans un environnement ultra compétitif. Je pouvais jouer à peu près n'importe quoi, puis gagner des parties, puis encore d'autres. C'est pas aussi imprimant qu'aujourd'hui, dans un Friday night aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un qui arrive avec un deck de main, casual, d'arriver et de gagner des parties. Il va se faire démolir. Ça ne sera pas nécessairement super le fun pour lui. Mm-hmm. Donc, j'ai un fond qui aime bien jouer juste pour le fun. En ce moment, c'est le cube des Star des Fights pour Magic Online, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ça. Ouais. En général, j'aime beaucoup jouer le cube avec d'autres personnes quand c'est possible. Et puis d'ailleurs, c'est assez représentatif des joueurs compétitifs. Je pense que la plupart des joueurs compétitifs aiment bien se retrouver entre amis pour juste décrocher dans la table. D'un tirage ou quelque chose en des rounds dans un PTQ. Tu ne vas pas jouer des games de standard dans un PTQ standard en des rounds. Mm-hmm. À moins que tu sois vraiment craqué. Mais moi, j'aimais bien sortir un autre format. Jouer un autre format. Mais ok, puis ça, écoute, tu me fais penser à quelque chose, puis je trouve que c'est intéressant qu'on touche à ça. C'est justement, tu sais, tu as dit. Un jeune qui arrive, puis il débarque au FNM avec, mettons qu'il joue entre amis là, à l'école un peu, puis qu'il sait déjà un peu c'est quoi standard, parce que c'est déjà, je pense, un des premiers obstacles aux gens qui jouent casual, quand ils veulent un peu embarquer à la scène compétitive, c'est les formats. T'sais, pour eux autres, il y a des cartes de Magic, ils les mettent ensemble dans une pile, puis ils jouent avec. Moi, je prends une petite minute, l'année passée, j'ai décidé que j'allais initier deux de mes neveux à Magic. Et ce que j'ai fait, je leur ai acheté, je ne me rappelle plus le nom, là, c'est pas Starter Pack, là, mais c'est vraiment de base. Là, c'est même pas un Event Deck ou. C'était de Return to Ravnica, ça. Donc c'était il y a 2 ans. Puis c'était. Je pense qu'il y a 3 boosters ou 2 boosters et il y a un deck préfet. Donc je l'avais acheté chacun un à mes neveux. Puis je leur ai montré le jeu, on a joué ensemble. Puis après ça, je les ai laissés aller avec ça. Puis là, ils ont continué à jouer, ils ont avancé. Puis là, bon, ça fait un certain temps. Puis là, tu vois, ils jouent encore avec des cartes de Return to Ravnica. Eux, c'est les cartes qu'il y avait. Ils ont pas conscience des formats. T'sais. Fait que, admettons qu'ils arriveraient, puis je dis, hey, va donc jouer au Griffon ou à tel autre magasin un vendredi. Tu vas voir, il va y avoir des joueurs. S'ils arrivent là avec ses decks, ils ne savent même pas c'est quoi standard, ils ne savent même pas c'est quoi moderne. Ils jouent à Magic sans connaître les formats. Est-ce que c'est peut-être un peu peut-être pas le premier obstacle, mais. La première affaire qui différencie casual de standard, c'est les formats, ou est-ce que pour toi, il y a aussi des formats casual? Je ne sais pas, comment on fait pour démêler, mettons que tu es un nouveau joueur, comment tu fais pour y montrer? Il y a des formats plus casual comme Commander qui sont régis par des règles quand même assez strictes. Il y a une liste de cartes bannies, puis des règles qui sont assez universelles. Là. Il peut y avoir des ajustements par groupe de joueurs, mais actuellement, là, c'est directement défini sur Internet. Puis, il y a d'autres formats que les gens se construisent entre eux. Aussi, mm-hmm. Ils ne se mettent pas dans les cartes. En fait, c'est ça, moi, je remarque. Quand c'est la disponibilité des cartes qui définit qu'est-ce que tu joues avec tes amis, là. Si tu ramasses 2 intro deck comme ça, ben c'est ça ton format, c'est le format intro deck. Puis il faudrait juste que tu joues un intro deck dans ce format-là avec ces decks construits comme ça. Si tu arrives avec ça, ben ça se passera pas très bien pour toi. Non, c'est ça, exactement. Malheureusement. Mais tu as raison, une des premières choses qu'il faut faire, c'est prendre conscience du format. Si vous voulez initier un nouveau joueur, lui faire prendre conscience de l'existence des formats, puis que Magic c'est un jeu qui a une multitude de facettes, puis que chacun peut y trouver son compte, puis que c'est pas grave si tu veux pas jouer compétitif, tu peux trouver ton compte dans ce jeu-là quand même. Ben ouais. Des choses vraiment importantes à faire. Puis, tu vois, moi, un des formats que j'adore pour. Ça va peut-être paraître bizarre, mais un des formats que j'adore pour jouer casual, c'est les drafts ou les sealed. Pour commencer, les sealed, parce qu'il y a moins de choix à faire que draft, mais ce qui est le fun avec ça, c'est que les cartes sont, tu sais, dans le fond, il n'y a personne qui a d'avantage. Tu ouvres tes paquets, puis tu travailles avec ce que tu as. C'est une bonne façon de découvrir des différentes mécaniques, de jouer plusieurs couleurs, de ne pas nécessairement t'encanner dans une façon de jouer. Puis tranquillement, tu accumules des cartes. T'sais, si tu fais des cubes et des cils, mais tranquillement, tu accumules des cartes. Puis à la longue, mais tu peux construire des decks. Justement construit, mais moi, j'ai montré à jouer une couple de mes amis comme ça. Donc, un de mes amis, qui c'est un peu un gars qui aime les jeux en général, il joue au poker, il joue à Hearthstone. Fait que là, j'ai montré Magic, puis c'est en Sealed que j'ai montré, puis il a vraiment aimé ça. C'est ça qui est le fun, c'est que vu que le pool de cartes est restreint, ben c'est une bonne façon, je trouve, d'entrer dans le jeu de Magic. Mais toi, mettons que si t'avais à dire... Ouais, vas-y. C'est une bonne façon de commencer. Quand j'ai recommencé à jouer à Sherbrooke, c'était la sortie de Zendikar, puis je suis allé au pré-release, j'ai joué dans un pré-release field. Mm-hmm. J'ai commencé à jouer comme ça, après ça j'ai fait des drafts. Puis habituellement les drafts dans les magasins, ben tu drafts, puis après ça, ben le gagnant draft prend la première rare de parmi toutes les rares qui ont été ouvertes, puis ça va comme ça, suivant le classement, c'est bon, une collection comme ça. Mm-hmm. Comme tu connais les cartes qui sont jouées dans la dernière série, que ça te permet peu après ça rentrer en standard. T'sais. Ouais, c'est sûr. La transition s'est faite à partir de World Wake, à peu près, je dirais. Okay. Une fois que j'ai commencé à avoir assez de cartes standard, j'ai commencé à jouer construit pour vrai. Là. J'avais un deck construit vraiment mauvais. mais c'est quand j'ai ouvert des Blaze of Mind Sculptor et j'ai joué en standard, le deck était bon. C'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre qu'est-ce que c'était standard de nouveau. Mm-hmm. Parce que ce que je jouais dans standard dans mon temps, c'était pas aussi tranché comme les decks d'Internet. Là. Ouais, c'est ça, dans le temps que c'était type 2. Oh, oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé avec un deck type 2000 à mon premier FNM à Sherbrooke, puis je me suis fait ramasser, puis je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis, ben, ouais. Le deck qui était connu depuis un bon bout. Là. Ouais, c'est ça, mais... Fait que ça, c'est une des choses qui peut être faite. Tu peux dire à un joueur, une fois qu'il a appris la base, les principes de base, voici le graph. Puis, je pense pas que ça vaut la peine pour introduire un nouveau joueur. Je pense pas que ça vaut la peine de passer par les intro packs. Non. Parce que tu peux prendre tes vieux restants de draft, puis bâtir des decks d'introduction avec ça. Il y a en masse de common 5, des créatures qui n'ont pas d'habilité ou des choses comme ça. Mm-hmm. Puis tu es capable de bâtir des decks qui ont une courte de mana gratuitement quasiment. Ouais, c'est vrai. Tu as besoin d'investir. Ça va coûter moins cher d'acheter juste 3 paquets après un intro pack, puis des cartes complètement inutiles dedans. C'est ça, parce que moi, dans le fond, c'est vrai ça que j'ai fait, dans le fond, j'avais... Je l'aurais acheté. Les magasins n'aimeront pas parce que je pense... mais après ça, attends, on va dire d'autres choses pour les aider, les magasins, vrai. Là. Mais parce que je pensais, notamment, là, je nomme le Griffon plusieurs fois, mais je sais qu'au Griffon, il y a une fois de temps en temps, ils organisent des trucs, puis il y a une limite d'âge, et c'est moderne, ils appellent ça moderne au sens juste parce que ils veulent pas mettre de limite sur ce que tu peux jouer vraiment, là, au sens où, justement, ils sont conscients que les jeunes qui jouent casual, ou bien les moins jeunes, mais mettons que les jeunes qui jouent casual, souvent, ils auront pas vraiment cette idée franche, là, tranchée de c'est quoi standard, c'est quoi moderne. Fait qu'en disant que c'est moderne, ben, ils peuvent souvent jouer à peu près toutes les cartes qu'ils trouvent, là, à part s'ils tombent sur des cartes bannies, mais tu sais, rendu là, ils se le font sûrement dire sur le spot, là, mais tu sais, c'est pas non plus, je pense pas que ça soit, c'est plus pour justement permettre à ces joueurs-là d'arriver dans un environnement qui rencontre d'autres joueurs de Magic, et qui peuvent jouer justement contre d'autres mondes qui ont un peu la même approche qu'eux, c'est-à-dire sans que ça soit justement gros du net decking, comme on dit en anglais, ou que ce soit vraiment plus, bon, mais voici les cartes que moi j'ai dans ma collection, j'ai mis les cartes que j'aime ensemble, puis j'aime ça jouer cette pile-là, tu sais, c'est souvent ça, puis comme Magic, souvent, c'est ça, c'est que ça dépend de avec qui tu joues. Tu disais tantôt, c'est un peu multifacette, mais c'est vraiment ça. Et c'est avec mais qui toi, tu joues. Il y a un nouveau format qui est pas mal tendance en ce moment. Puis on voit que les gens vont prendre leurs cartes. Ils vont dire on veut faire quelque chose avec ces cartes-là, on veut leur donner de la valeur. C'est ce qui est arrivé quand il y a des formats Highlander d'abord, qui étaient en cartes toutes différentes, mais il n'y avait pas le, le général. Ensuite de ça, Elder Dragon Islander qui a rajouté le Commander, qui est devenu, en plus de ça, quand ça a été récupéré par Wizards, Commander. Les gens voulaient donner une deuxième vie à leur carte qu'ils avaient ramassée, sûrement, donc ils ne voulaient pas se départir. Puis là, il y a un nouveau format qui s'appelle Tiny Leader, petit leader nain. Le principe, c'est d'avoir un. C'est sur à peu près sur la base de Commander, sauf qu'il n'y a pas de dommages de Commander. Les decks ont 50 cartes. Et toutes les cartes, dont le Commander, doivent coûter 3 ou moins. Okay. Ça change complètement là, la dynamique des parties de Commander, et puis de Consecrated Sphinx, puis d'affaires qui sont complètement ridicules, qui commencent à. Pas de 40 ou 3. Il y a une liste de cartes bannies aussi. Puis, c'est un nouveau format que les gens ont dit. On s'approprie du jeu et on crée quelque chose de nouveau avec les cartes parce qu'on sait qu'on peut. C'est la même chose avec un cube. Tu décides de faire un cube. Toi, tu décides de faire un cube qui à partir d'un Mistral. Il y en a d'autres qui ont des cubes avec la Classus dedans, tu sais. Ouais, exactement. Ouais, mais ça, mais... Tu peux créer des formats et des environnements qui sont complètement différents et qui changent. Tout l'expérience de jeu des gens. Oui, exactement. Parce que moi, ça a été ça mon gros dilemme. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un jeu polyvalent. Oui, vraiment. Vraiment, à quel point ce jeu-là a une durée de vie comparée à d'autres jeux comme Salon de Catan, des choses comme ça. Oui, mais comme plein d'autres. Des jeux de plateau. Ben oui, ça, puis parce que tu vois, moi, ça a été un des gros dilemmes, parce que quand j'ai recommencé à jouer, j'avais cette fibre-là un peu compétitive, là, je regardais les bons decks, là, je commençais, on draftait, puis là, avec les cartes qui me restaient, je disais, ah, crime, j'ai déjà, mettons, comme je te dis, je recommençais à Innistrad, admettons que, oh, j'ai ouvert un Snapcaster Mage, puis une Restoration Angel, puis là, je regarde sur Internet, puis je me rends compte, ah, il y a des decks qui existent avec ces cartes-là, fait que tranquillement, j'essaie d'échanger, j'en achète peut-être une ou deux à gauche, à droite, pour me monter un deck qui, finalement, et quand il va bien, c'est pas le deck parfait. Souvent, c'était les lands, les problèmes. Des fois, tu veux pas mettre 15-20$ dans un land. C'est quand tu joues plus casual. Mais quand même, mon deck se tenait un peu. Je me suis déjà rendu d'ailleurs à, mettons, encore au Griffon, mais jouer Modern, mais avec comme pas de fetch land. Puis, tu sais, jouer un deck contrôle American, ben là maintenant c'est Jeskai contrôle. Pas, comme avec un Cryptic Command puis pas de fetch land, mais quand même, je réussis à faire de quoi pareil parce que je connais quand même la game et tout ça. Mais bref, c'est ça. Fait que j'étais comme. J'ai un message d'espoir. Mais bref, non, mais on parle de ça, c'est l'introduction de nouveaux joueurs. Ouais. Une des choses qui m'a permis de vraiment entrer dans le jeu pour vrai, les gens étaient accueillants, vous voyez, accueillants. Là, pas ça pour. Faut être comme conscient de la place qu'on prend aussi. Puis moi, j'achetais des cartes, puis quand il me manquait vraiment des cartes, j'en achetais. Mais quand j'avais besoin de quelque chose ou que je voulais essayer un nouveau deck, puis je savais qu'il y avait des gens qui avaient des cartes qu'ils n'utilisaient pas, je leur demandais gentiment. Puis habituellement, les gens, quand ils font confiance, puis qu'il y a une relation qui s'établit pour vrai avec une autre personne, les cartes, ça se prête. Si tu n'as pas de carte au début, puis que tu vas te faire des drafts, puis tu te fais connaître, tu peux arriver, puis emprunter des cartes à quelqu'un, puis jouer un deck dans un Friday night. Fait que c'est comme la charité chrétienne, tu sais. Alors, ça se prête aux gens pour qu'ils se reproduisent qu'ils soient introduits dans le jeu, puis ensuite de ça. Pendant que tu bâtis ta collection, Oui, mais ben, c'est intéressant ça aussi. Soyez gentil avec les autres joueurs. Soyez respectueux quand vous apprenez des cartes de ne pas les abîmer. Puis, n'ayez pas peur de donner à quelqu'un un meilleur deck que ce qu'il y a actuellement. N'ayez pas peur de perdre contre lui parce que vous lui donnez un meilleur deck. Ça va rehausser le niveau de jeu de tout le monde. Puis ensuite de ça, quand vous allez aller faire des tournois à l'extérieur, dans les PTQ, ben là, vous allez être meilleur parce que votre groupe à l'intérieur de votre magasin va être meilleur. C'est ça qui est arrivé à Sherbrooke. C'est pas un climat qui existe. Je veux pas pointer personne, là. Je sais que c'est pas un climat qui existe dans tous les magasins. Oui, mais ça, c'est intéressant vraiment, Renaud, le fait que c'est justement d'accueillir, je pense, les joueurs qui sont plus casual, d'identifier les joueurs qui criment, ils ont l'air d'aimer ils ont l'air d'aimer le Magic, justement, ils viennent au pre-release, puis après ça, finalement, ils disparaissent un peu parce que ça fait, c'est un peu intimidant la scène compétitive pour les gens qui sont casual. Ils arrivent là, puis il y a toutes des habitudes, puis il y a des decks qui surperforment par rapport à ce que tu amènes, puis toi, tu sais pas nécessairement trop. Mais quand on envoie des joueurs comme ça qui ont l'air d'aimer la game, qui sont là au pre-release, qui font de leur mieux, mais je pense justement, c'est aussi de partager Au avec eux. final, là, les joueurs compétitifs, là, ils veulent pas jouer dans un FNM à 9 personnes. Mais c'est ça. Il y a 25, 25, 30 personnes, là. Ben, il y a plus de prix, il y a plus de fun, il y a plus de decks différents, il y a plus d'affaires qui se passent. C'est juste, il y a une ronde de plus, des fois même, il y a 4 rondes au lieu de 3 rondes, je trouve à jouer plus. C'est juste plus le fun pour tout le monde. Quand il y a plus de joueurs, fait que soyez gentils, prêtez des cartes, aidez les gens à se construire des decks, puis soyez accueillants. Soyez pas désagréables quand vous les battez parce qu'ils ont un mauvais deck. Faites juste. Puis ceux qui arrivent avec sans être préparés à ça, soyez conscients que dans la scène compétitive, il faut avoir un certain niveau de préparation, mais demandez. Je suis pas mal certain qu'il y a des gens qui sont ouverts à ça. Ouais, c'est clair. Puis moi, je l'ai vécu ça quand même à Sherbrooke. J'ai vu qu'il y avait une ouverture. Il s'agit que tu y ailles, par exemple. Une fois que tu sens qu'il y a une ouverture, faut juste que toi aussi, mettons que tu sens que tu es plus de la scène casual, puis que bon, tu joues pour le fun, puis tu connais pas nécessairement tous les formats, puis t'aimes Magic, mais tu sais pas trop comment faire le pas vers le compétitif. Autant qu'il faut que les autres soient ouverts, autant tu sais, d'aller vers les autres aussi, puis de poser des questions. Je pense qu'il faut pas être gêné parce que la plupart du temps, les gens qui aiment Magic, ils sont ouverts, puis c'est des passionnés, puis ils ont le goût de parler, puis d'aider les gens autour d'eux, tu sais, la plupart du temps. Fait. Non, ça c'est clair. Mais c'est vraiment bien parce que je trouve qu'on touche quelque chose d'intéressant ici parce que moi, je l'ai perçu ça parce que d'un côté, j'aurais voulu aller plus vers le compétitif, puis moi, c'est pas tant soit que les gens n'étaient pas accueillants ou que je voulais pas ou quoi que ce soit, c'est vraiment plus une question de temps, mais je le vois que des gens dans mon entourage ou justement mon petit neveu que j'ai comme converti à Magic, le jour où je voudrais qu'il voudrait plutôt comme hey, j'aimerais ça peut-être aller dans un magasin, jouer, voir ça a l'air de quoi. Ben, tu sais, moi, il faudrait que je le prépare un peu, puis dire, bon, mais voici comment ça se passe. Puis rendu là-bas, ben, c'est ça, fais le move, puis va voir des gens, parle, puis échange, faire des échanges. Puis ça aussi, ça, c'est l'autre affaire aussi, parce que, tu sais, on a parlé un peu au dernier épisode de côté financier. Ça, c'est l'autre affaire aussi, je pense qu'il faut s'éduquer aussi là-dessus, c'est de pas aller comme un peu voler les gens qui connaissent pas Magic. Parce que c'est tentant quand tu fais un échange, l'autre a l'air content, toi t'es content, mais tu sais, mettons que tu es en train de vraiment de l'avoir dans un échange ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit respectueux, je pense, Magic, parce que veux pas, les cartes ont une valeur. Puis quand tu fais un échange avec quelqu'un, tu peux pas faire un échange avec quelqu'un qui connaît pas vraiment la valeur de ses cartes. Je sais pas si toi t'en as rencontré. Moi, je peux pas dire que je suis la personne qui fait le plus d'échanges, puis que je suis tout le temps dans les magasins, donc je suis peut-être pas 100% à la page sur cette question-là, mais j'ai déjà vu ça, là, des échanges qui n'avaient pas vraiment d'allure, puis que l'autre Avec personne celui qui n'a n'en jamais parle pas, tu pêché là, dans sais. cette commune. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr, exactement. Mais c'est une question intéressante, ça aussi, là, le côté para-jeu, tu sais, le côté carte, de dire, ben, je suis pas sûr que tu en as pour ton argent, y a-t-il autre chose que tu aimerais dans mon cartable, tu sais, quand même, éduquer au niveau financier aussi, ces gens-là qui arrivent dans Magic. Qui des fois le connaissent ou peut-être le connaissent moins. Tu sais, non plus, je veux pas taxer les gens qui jouent casual de gens qui connaissent rien aux finances parce que c'est totalement faux. Là, ça n'a rien à voir, mais souvent, si c'est des jeunes joueurs, des fois, ils sont moins conscients. La personne que je, dans ces échanges, est la plus légitime, si je peux dire. Pas que les autres sont pas légitimes, mais la personne que j'ai vue, là, le plus clairement affirmé, là, mais non, là, clairement, t'as pas assez. Donner plus, là, c'est beaucoup Pierre Morin. Puis, je te dirais que moi, quand je voyais des occasions, des fois, j'en profitais. Et quand j'ai vu comment Bruno Pierre transjet à l'intérieur du griffon, ça m'a fait réfléchir sur comment qu'on doit agir dans les échanges. Qu'au final, les gens reviennent plus souvent quand ils se sentent respectés. Ouais. Ben c'est ça, parce que, mettons, je me rappelle d'un échange que tu avais fait, tu vois, j'ai une bonne mémoire pour ça. Tu avais échangé, je me rappelle, Voice of Resurgence, quand ça venait de sortir, contre, plus je savais pas contre quoi, puis là, c'était finalement Snapcaster, puis dans le fond, je me rappelle que, justement, tu avais dit à la personne, check, faut que je te donne la valeur, c'est une carte qui vaut quelque chose, puis je peux pas juste te donner, parce que le gars savait pas trop que Voice of Resurgence, c'était une bonne carte. En même temps, c'est normal pour des gens qui, mettons, moi je sais que telle carte, je pense qu'elle a du potentiel, puis c'est le fun aussi en tant que quand tu fais un échange, que tu vois une carte qui vaut pas grand-chose à un certain On moment, s'entend que puis tu y vois du potentiel. sur le moment, ce que ça vaut sur le moment. Ben Après oui. ça, 2 semaines après, ça peut avoir changé. Exactement. Fait que tu sais, c'est J'ai ça. prévu un playset de Huntmaster contre un playset de Novel Linéaire. Puis laisse-moi dire qu'aujourd'hui, cette personne-là doit regarder, mais à ce moment-là, quand on a regardé, ben, C'est ça. c'est 12 piastres les deux. Fait que. Mais c'est ça, exactement. Mais. Exactement. Fait que c'est, ben Je ne oui, peux pas revenir dans le passé. Il y en a qui vont se sentir frustrés parce qu'il y a des changements qui ont été faits. Tu peux pas revenir dans le passé. Mais sur le moment, si tu dis qu'une carte vaut 10, une carte vaut 15, pour aller chercher de la valeur à cette personne-là, tu es en train de la voler carrément. Ouais, c'est ça, Tu es exactement. conscient de tout le processus. C'est Oui, exactement. quand même malheureux. C'est juste d'être ouvert puis de comme parce qu'on parlait d'être comme avec les joueurs qui sont passés. Ça m'est arrivé au premier FNM que j'étais allé à Sherbrooke. Et ça pourrait faire l'objet d'une balado complète, Ah oui, d'une exactement. Ben vidéo. oui, tout à fait. Je pense qu'on va le Pense faire que d'ailleurs. ça touche un peu le sujet pour les joueurs qui tentent de s'introduire dans le jeu. Ben En oui, même c'est temps, ça. si vous voulez enlever toutes leurs cartes, ils n'auront pas de bon deck. Non, c'est Ils ça. ne pourront pas jouer avec vous. Ça va être encore plus plat. Tout à fait. Ben, Les en fait. gens qui jouent au Friday Night Magic. Après ça, ben, ils peuvent revenir puis drafter. Puis là, mais si ils n'aiment pas drafter, puis s'ils restent chez eux à jouer avec leurs amis parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas jouer avec vous, ben, il y a moins de cartes qui sont ouvertes. Il y a moins d'échanges qui se produisent. Il y a moins de joueurs dans le magasin. Ça, c'est pas bon pour une communauté magique. Ben non, c'est ça. Puis ce que j'allais dire, c'est que j'ai. La première fois que je suis allé à un FNM, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Parce que. Puis ça fait pas longtemps, là. C'est quand j'ai recommencé à jouer, c'était dans le bloc Innistrad de Return to Ravnica. Et je me suis présenté au FNM, puis. C'est comme je t'ai dit, mais dans ma tête, je savais pas, là. Je m'allais peut-être à un PTQ. Je connaissais pas le niveau, je savais pas c'était quoi FNM vraiment. J'arrivais, puis. J'ai joué contre un jeune qui était, genre, en deuxième secondaire. Il jouait un deck simic, mon gars, c'était juste des communes. C'était. Lui, il venait d'un groupe qui jouait à l'école à Magic avec ses amis. Puis justement, il avait décidé un peu sur une bulle d'aller voir dans un magasin pour aller jouer un vendredi. Puis tu sais, moi, j'étais là avec un deck qui était plus, tu sais, quand même bien. J'avais des Snapcasters, des restos, justement, comme je disais tantôt. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, c'est cool quand même que les jeunes sortent puis Oui, qui aille voir, tu puis sais, puis, fait que justement, moi, j'étais là, ah oui, j'ai parlé, puis j'ai essayé de voir, ah, regarde, je peux voir ton deck, puis, ah, regarde, ah, ça, c'est vraiment des bonnes cartes, il y a ça, peut-être que tu pourrais voir, il y a tel genre de carte qui pourrait être ton ben, deck. Tu sais, essayer faut quand même qu'ils d'accueillir, tu sais. parce que sinon ils vont trouver ça là, à toujours perdre. C'est ça. Puis, en même temps, c'est quoi l'intérêt quand tu parles comme ça, contre des decks qui ont vraiment pas rapport à la réalité. Parce que quand on est contre un deck de draft, ça se sent vraiment bien après la fin de ta soirée, tu dis, oh, j'ai gagné. C'est Ouais, c'est ça, exactement. Ça n'a pas de but, tu sais. Je pense que pas de valeur à cette victoire-là. le but, c'est de plus d'aider les jeunes qui commencent ou n'importe qui fait un retour à Magic, qui décide de dire, ah, crime, j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui jouent, je vais aller voir dans un magasin, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est de les accueillir, de les aider si on le Dans les peut. magasins, là, tout à fait, il n'y a pas. Dans les photos par les Firebirds, c'est une autre affaire. Oh, Mais ouais. si tu veux, là, mais dans les magasins, c'est gentil. Oui, absolument. Puis c'est vraiment ça. Puis moi, je trouve que c'est là un peu le nerf de la guerre pour Magic, l'espèce de ligne fine entre le compétitif puis le casual, c'est d'essayer de créer une zone de transition. Parce que, tu sais, comme on disait tantôt, casual, il y a plein de formats qui sont justement plus dans la cuisine. Par exemple, je sais pas, moi, on parlait de cubes tantôt. Tu sais, moi, c'est une façon que j'ai de faire revivre mes cartes. Je me monte un cube depuis que j'ai recommencé à jouer, dans le fond. j'essaie d'un peu recréer les archétypes qu'il y avait dans Standard puis les cartes qu'on a jouées. Puis c'est une façon de faire revivre mes cartes. C'est ultra casual, c'est pour le fun avec mes amis. En même temps que, ben, on a des decks Standard aussi. Puis quand tu veux aller faire une transition vers, tu dis, ah, crime, je joue Standard, puis j'ai du fun, j'aime ça me pogner avec du monde qui a un niveau de jeu plus élevé pour m'améliorer. Ben, c'est que cette transition-là soit le fun aussi pour toute la communauté de Magic, à mon avis, en tout cas. Cela dit, yep. Je vais lancer. Je n'avais pas parlé de ça, hein, mais j'ai peur. C'est sur mon bras. Je lance un petit concours pour les gens de la balado. Les informations seront sur le site web. Génial. Donc, tous ceux qui pourront faire jouer leur un de leurs grands-parents ou oncles ou tantes à Magic pendant leur partie de temps des fêtes, je leur enverrai gracieuseté un booster de cartes de Starkey. Donc voilà, à preuve à l'appui, ça me prend une petite vidéo avec une preuve que votre parenté s'est joué. C'est bien cool. J'aime ça. Et puis, ou votre petit cousin, là, aussi, c'est tout à fait raisonnable. Donc, apprenez un nouveau joueur à jouer à Magic, sérieusement. Et sur le droit, je l'ai boosté en train. J'adore. Écoute, Renaud, c'est... Bien sûr, cette information. Ben oui, vas-y. Ben, les trois premiers qui nous enverront une vidéo auront une récompense. C'est bon, moi je pensais que c'était rien que genre un pis j'ai au hasard. Ah, pas évident. Mais si on a trois auditeurs, c'est pas pire. Ouais, c'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, écoute, c'est genre de... Là, on va rentrer dans un segment, on va faire une petite transition vers un autre segment de l'épisode, parce que j'aimerais ça faire des suivis un peu sur des trucs qu'on a déjà parlé. Je trouve qu'on a fait quand même un beau topo sur Magic Casual. C'est un sujet super intéressant. Puis que j'imagine qu'on pourrait retoucher en masse pendant notre vie de balado. Mais j'aimerais ça qu'on vienne un peu sur des petites affaires parce que on avait parlé dans le dernier épisode, c'est le dernier, oui, qu'on a parlé des Worlds. On avait parlé de qu'on allait peut-être faire des démarches pour vraiment comme auprès de Wizards, voir s'il y a possibilité de reconnaître la nation québécoise aux Worlds, tout ça. Puis j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que tu avais écrit une lettre, fait que je sais pas où est-ce que tu en étais là-dessus. As-tu le goût qu'on prenne deux minutes pour jaser de ça? Qu'est-ce que tu as fait comme démarche jusqu'à maintenant, concrètement? Je suis en train de rédiger l'argumentaire, là, avec une lettre d'intention, puis avec un dossier sur ce qu'est le Québec, puis pourquoi je devrais être représenté en compétition internationale. J'ai fait des démarches auprès de l'équipe Québec, qui fait le même genre de. Je n'ai pas eu de nouvelles. D'après moi, c'est à cause du temps des fêtes. Mm-hmm. Les barres de bureau sont peut-être fermées. Donc, plus d'informations en 2015. Génial. L'équipe Québec fait la même chose pour les équipes sportives, de hockey. Oui, c'est parce que. Compétition olympique. Un peu comme. Exactement comme l'Écosse a fait. Mm-hmm. L'Écosse est représentée à Magic. Puis. Fait partie du Royaume-Uni, nous, on fait partie du Canada, on est une nation à part entière. Ben oui, puis on est représenté dans cette région aussi. Donc, c'était ça l'idée, c'est ça qu'on a dit la dernière fois aussi. Ouais. Puis, ben, c'est d'entreprendre la démarche. Donc, ici, on a besoin de votre aide dans le futur. On vous le fera savoir au début de 2015. Évidemment, le plus rapidement possible pour que peut-être dès l'année prochaine. Ce soit fait, qui sait. Mm-hmm. Ben oui, qui sait, certain. On va garder espoir que c'est Noël termine. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou du moins que la démarche soit assez entamée en 2015 pour qu'en 2016 ça arrive. Mm-hmm. Mais, puis si on a besoin de vous pour faire un peu de pression sur Wizards, on connaît la politique. Ouais. On va faire des appels. C'est vraiment intéressant, Renaud. Sur le fun aussi que la balado prenne une dimension d'action. C'est le fun qu'on. C'est nos carrés rouges. Ah, c'est ça. Non, mais juste le fait que ça puisse avoir un impact, je trouve ça génial. Autre chose aussi, moi, que je voulais peut-être jaser, on a eu. Là, ça fait deux épisodes qu'on n'a pas d'invité, mais je veux juste que nos auditeurs sachent que ça reste dans nos intentions et même dans nos priorités de faire connaître les joueurs du Québec. Donc, on sème à gauche et à droite. On va avoir des très bons invités, je pense, en 2015. On a déjà parlé à certaines personnes qui ont manifesté de l'intérêt. Donc, cet aspect-là. Puis pour nous aussi, d'un point de vue simplement même de faire connaître la balado, c'est intéressant parce que comme pour les gens qui nous suivent un peu, depuis le début, on a parlé pas mal de Sherbrooke, puis on a fait venir des joueurs de Sherbrooke à l'antenne. Ouais, c'est absolument l'objectif, c'est de parler de tout le Québec. Mais exactement, tu c'est ça, notre objectif, c'est d'ouvrir puis que ça devienne une balado qui appartient à tous les Québécois puis que ça fasse connaître les gens d'un peu partout puis même à la limite de justement mettre en réseau des gens d'un peu partout au Québec et de faire connaître les joueurs d'Abitibi ici, de faire connaître les joueurs de Québec, de Saint-Jean, qu'il y ait une représentation et ça reste notre but et on veut le faire. Donc aussi, si vous connaissez des joueurs que vous pensez que ce serait intéressant qu'ils viennent, Renaud connaît déjà beaucoup de gens, donc vous pouvez passer par notre page Facebook qui est Magic 101 Balado québécoise de Magic the Gathering. Vous pouvez aller voir là. Sinon, notre site internet baladomagic101.wordpress.com. Gênez-vous pas pour rentrer en contact avec nous, de donner des suggestions d'invités. C'est clairement un des aspects qu'on veut continuer à traiter pour 2015. Donc, gênez-vous pas. Et justement, tandis qu'on parle de 2015, nous, on va prendre une petite pause pour le temps des fêtes, Renaud. Hein? C'est du temps à passer en famille. Puis on va se revoir avec le balado en 2015, plus fort et plus vieux. Parce que moi, ma fête, c'est le 8 janvier. Fait que je vais être probablement plus vieux. cool. Ben, Renaud, as-tu un petit mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter à toutes ces belles affaires? À peut-être une prendre une gorgée de ta bière d'épinette? Eh bien, je te souhaite joyeux temps des fêtes, Renaud, si on ne se revoit pas et qu'on ne se reparle pas. Bonne année aussi. Et ben, on va se revoir en 2015, c'est sûr. Est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai dit à mon dernier adversaire dans des fêtes? Non. Je t'attaque avec mon figurine. Ah, t'as-tu dit ça? Non, j'ai jamais dit ça. Fait que je le plug à quelque part, j'ai pas trouvé à un moment. Fait que je le plug avant de partir. Ben ouais, c'est clair. Donc là, on a plein de belles choses pour vous pour le temps des fêtes. Gênez-vous pas participer avant Noël afin de savoir quelle carte de Magic ferait la meilleure volaille de Noël. Quelle carte! On a des petites idées là, mais on veut savoir votre opinion là-dessus. Vraiment très important. Ouais, absolument. Ça. Si vous avez le recette de face aussi à mettre dedans. Ouais. je serais très intéressé à les avoir. Ben oui, puis aussi, ben, on n'oublie pas le super concours de Renault qui est vraiment excellent. Montrez-nous une preuve que vous avez montré à jouer à Magic à quelqu'un de votre entourage et on vous envoie un booster de Cards of Tarkir. Les trois premiers. Super. Un bonus deux boosters à celui qui va apprendre à jouer à sa grand-mère. Magic à un bénévole de Nero. Ah, c'est bon ça. C'est bon, merci Renaud pour l'épisode, puis on se revoit en 2015. Ciao.